suis venu au monde, mémoire à zéro, en plein cœur de la nuit, a fallu chercher l'autre part de moi. Tellement, tellement il faisait froid. Suis venu au monde, tu n'y étais pas. À quoi bon rester là? J'ai tourné en rond dans un tourbillon. Un tourbillon sans fond. J'ai consulté tous les gourous. N'importe où, t'es venu au monde, un peu après moi, dans un autre pays, t'as cherché partout, l'autre part de toi, comme j'avais fait aussi, quand on vient au monde, on tombe haut. Cherche partout l'autre morceau de nous. On cherche l'autre dans la nuit. Le cœur s'affole au moindre bruit. On est venu au monde pour se retrouver. Longtemps on s'est cherché. Si long la route, si nombreux les doutes, qu'on s'est dit, à quoi bon? On est venu au monde, on s'est retrouvé, on oublie les petits malheurs, rien ne compte plus, tout ce temps perdu, puisqu'on est réunis. On est venu au monde, on s'est retrouvé.